où a-t-on les loups-garous? Pas de choix, j'irai jusqu'au bout. Pas de choix, j'irai jusqu'au bout. La touche stop. Merde. En fait, j'aimais bien ce morceau là. basse. C'est toi le meilleur, Mike. Félicitations, monsieur Mike. J'invente un truc, mais ça doit déjà être pris. Pourquoi j'ai mis 32? C'est pas un 32, c'est un 16? 1, 2, 3, 4. Oh, c'est pareil. Un peu pompé. Bon, je reprends. À plus tard, Mike. Thank you. Beatles. Imagine all the people. It's easy if you try. California, ça fait. Je cherche les accords. Je fais le refrain. C'est où que là, ça part le 1 parce que j'arrive pas à voir le. J'aurais un ordinateur plus grand, mais. Je vais mettre plus petit l'image. Ah ouais, ça y est. JP, il faut me faire les bons accords. Tu les veux ? J'ai pas de drum. Je fais que le refrain. Sol, ré. Welcome to the... Oh là, putain, c'est quel tonnerre, c'est... Welcome to the Hotel California. C'est trop aigu pour moi. Cassez la voix. Thank you. c'est